Allez, santé. Et que la peste bubonique fasse crever tous ces connards. C'est comme ça que vous trinquez? Oh, de plus en plus. Combien sont morts sous la pluie de Dieu? J'ai du mal à croire en moi, comment veux-tu que je croie en eux? Je me déteste, mais moi, mon sale comportement, mon vieil appartement, ma vie dans ce département, c'est dur. Tes oreilles ciblent parce que tu me gonfles. Je sors de mes gonds, caché des rêves, plein la tête quand toi tu ronfles. Les jours passent et j'ai le moral au plus bas. Du matin, putain, jusqu'au soir dans mon climat. J'suis passé par tous les tafs, posé ma gueule sur plein de toffes. C'est ouf, j'ai même été prof au fond du gouffre. J'ai vu des cassos de tout sexe et tout milieu. Même des ex comme eux qui sait. Chut, chut, tais-toi, Mathieu. Plus aucun doute, vous me saoulez tous et toutes. Comment vous dire que de vos gueules, je n'en ai rien à foutre. Vaut mieux être seul qu'en votre compagnie. Je suis tendu et t'es dans le beau drap, passé d'un compagnie. Et je vous déteste, les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes, les bleus et les gris. Et je vous déteste, les gros, les maigres, les grands, les petits, les pauvres et les riches. Et je vous déteste, l'homme, la femme, l'adulte, l'enfant, l'ado et leurs cris. Et je vous déteste, toi, toi, toi, toi, toi et toi aussi. Tu dois te dire, qui est ce gros con qui m'insulte? Mais je fais tout en face, jamais à ton insu. Oui je sais, je suis un putain de misanthrope. Mais ça me dégoûte quand je vois tant de salopes qui sont mises en cloque. Le temps passe et les boulets se multiplient. Y'a trop d'exemples de tordus, tarés et autres pédophiles. Aujourd'hui, les squads traînent au square. J'ai peur pour les enfants, ouvrez les yeux et restez bien méfiants. Tous à faire les beaux sur les réseaux sociaux. Mais je suis peu soucieux de leurs nombreux soucis. Pourquoi ce texte? Parce que je vous déteste. Une France raciste qui crache sur toutes les tests. Des rebeux aux renois, les juifs et les palfas. Je ne peux plus vous voir, dégage de mon passage. Toi, ta vie et ta façon de penser, j'en ai rien à foutre, ferme-la à tout jamais. Et je vous déteste, les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes, les bleus et les gris. Et je vous déteste, les gros, les maigres, les grands, les petits, les pauvres et les riches. Et je vous déteste, l'homme, la femme, l'adulte, l'enfant, l'ado et leurs cris. Et je vous déteste, toi, toi, toi, toi, toi et toi aussi. J'ai passé tant de temps à gratter des CV, puis je me suis décidé à graver des CD. Une vie de CDD avant de décéder. Désormais j'ai des idées, la première c'est vous forcer à m'éviter. J'aime pas les gens d'ici et d'ailleurs, et encore plus quand ceux d'ailleurs se ramènent ici. J'aime pas les ristous, les connards, les radins souhaitant qu'une ristourne tourne. Et je m'en fous que tes disques tournent. La foutre, arrête un peu, c'est ce qu'ils disent tous. Mais le bis pousse de plus en plus de jeunes à faire de grosses bouses. Je suis né ici dans le Zedou, sache bien que c'est suspect si jamais je te fais les yeux doux. Y'a rien sans rien, pas fumé sans feu. Et quand tu me serres la main, regarde-moi dans les yeux comme d'hab. C'est du grand le rat, tout dans la provoque. Seul, je trace toujours ma route un peu à la Prost. Et je vous déteste, les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes, les bleus et les gris. Et je vous déteste, les gros, les maigres, les grands, les petits, les pauvres et les riches. Et je vous déteste, l'homme, la femme, l'adulte, l'enfant, l'ado et leurs cris. Et je vous déteste, toi, toi, toi, toi, toi et toi aussi. Tu dis que je ne comprends pas les gens, mais peut-être qu'en fait je ne les aime pas. Et si je devais me résoudre à recourir à la violence? La violence physique. Je pense que tu comprendrais après coup que le fait d'accepter de participer et après de te dédier au dernier moment était une erreur. Voilà ce que je veux te dire. Afin d'être aussi clair que possible.